somme, désigne-moi. Mais comme au jeu, je n'ai pas eu de chance, alors je dois m'incliner. Car de nous deux, à l'évidence, c'est lui que tu as préféré. Dis